t'a mené à une réaction en chaîne. J'enchaîne avec haine, remonter contre le système, surnommer la mauvaise graine. On est déterminé, je n'ai rappeur engagé. Qu'importe le livre, c'est l'amour qui m'enivre, c'est l'amour qui me fait vivre, c'est l'amour qui me délivre. Y'a qu'entre frères et sœurs qu'on peut combattre nos peurs. Mon message vient du cœur pour toutes les couleurs. Black, blanc, beurre, black ou arabian panther. On vit sous pression, on vit sous tension. On a l'esprit rébellion pour une vraie révolution. Combattre la répression malgré l'opposition. Écoute ma réflexion, ma prise de position. Anticapitalisme, anticolonialisme. Je prône le respect et une grande diversité. Tensionnaire ma pousse, tensionnaire avec une, quelques années passées. Et j'analyse ces dernières en vérité. Très peu de temps, mais un si triste bilan. Sur quoi s'appuie-t-il pour parler de développement? Ils favorisent le fugit et délaissent l'humainement. Victime d'incompréhension face à leur comportement. Deux secondes d'inattention et encore un détournement. La violence en retour à nos appels au secours. Jugé insignifiant, on est que des jeunes délinquants. Y'a rien d'alarmant, y'a pas de gain d'argent. Y'a rien d'intéressant, le temps c'est de l'argent. Demande aux dirigeants le budget d'armement. Pas d'une pour la santé, la priorité va à l'armée. Nos combats pour la paix, rien ne pourra nous arrêter. On s'est battu, on se bat, on se battra, on vaincra. Seule la mort nous arrêtera, seule la mort nous arrêtera. Rappeur satirique, je ris mélancolique, ma tristesse chronique. Face à cet état critique, à la mort et sa chronique. On n'est que des damnés, victimes de leur échiquier. Mais on porte le kéfier et on garde le poing levé. Car nombreux sont les victimes quand l'état assassine. Demande aux Tutsis ou à la guerre d'Algérie. Il n'est pas si lointain, le temps des colonies. Plus proche qu'on le croit, vu qu'il en reste aujourd'hui. On vit sous tension, l'état ne cesse les agressions. Multiplie les attaques, ces CRS gazeuses matraquent. Traitant pas si ça craque, leur priorité c'est le cac. Ils nous ont laissé de côté, alors on s'est renforcé. Il faut développer une vraie solidarité pour pouvoir foncer et tout renverser. Les sourcils français et les poings levés.